história ao fim. Para, pa, pa, pa. A fonte das águas secar. Sair de mim, mesmo sem ter pra onde ir. Pa, pa, pa, pa. Eu paro, respiro e canto um mantra que me faz feliz. Je ne sais que si tu n'es pas. Je ne sais que si tu n'es pas. Je ne sais que si tu l'es pas. Je ne sais que si tu l'es pas. Fala, cacete. Sim.